bonsoir et bienvenue dans les bonnets rouges qui j'espère vous divertiront jusque 23h. Allez, on commence tout de suite avec une nouveauté, le dernier album de Los Tres Puntos, on va en écouter un morceau. C'était tout droit issu du dernier album des Los Tres Puntos, album intitulé Contre vents et marées et morceau tout simplement nommé Rendez-vous de l'écume. Qui est la première pièce, ça, la troisième pièce de l'album, troisième. Sur un album assez court, parce qu'il a 5 ou 6 pièces, je ne voudrais pas dire de bêtises, oui. Ouais. Mais qui est très bon tout de même. Yeah. Et on va continuer parce avec... Parce que ça ressemble à ça, oui. Je viens de l'entendre. Tu le découvres à l'instant. Ouais. Alors, je pense qu'on va retrouver bientôt très rapidement aussi dans Skypanka. Oh oui, sûrement. C'est même très certain. Et on va continuer toujours avec de la bonne musique. Et la musique ska, bien entendu, parce qu'il y a le Ska Fest en ce moment à Montréal avec Ska Fest. En tête d'affiche, les Kingpins. Allez, je vais aussi en passer deux morceaux. Avec le morceau The Kingpin qui sera sur leur prochain album, tout simplement intitulé Let's Go Back to War. Ben, en fait, qui est une réédition de... voyons, Let's Go to Work. Et, mais là, qui s'appelle Let's Go Back to Work. C'est ça. Exactement. Et le prochain morceau qu'on s'écoutera aussi après des Kingpins, hein, toujours, ce sera 12 Ska, issu de l'album Looting, Shooting and Waiting. Ouais. Deux bons morceaux des Kingpins. Tout ça pour le Festival Ska. Demain, au Petit Campus. Et je peux vous le dire, on y sera. Yes! Now let me tell you about the man who's the ruler of the street. When you're out on Friday night, he's not the kind you want to meet. He comes running through the door like he's the owner of the place. Everybody knows that he's a hood, but they don't say it to his face. So you think you're tough, but man, it's not enough action that's gonna cut you down. I told you not to cross him, cause his power's awesome, so look out when he comes around. I hate the first survival, but maybe you're in trouble. You don't know the trouble you're in, cause no one messes around with the kingpin. He's got $1,000 suit and $100 hat. He's got diamonds on his fingers and he drives a Cadillac. He goes cruising down the street, flashing $100 bills. All the people fought his feet, cause he's got the look that kills. So you think you're tough, but man, it's not enough action that's gonna cut you down. I told you not to cross him, cause his power's awesome, so look out when he comes around. I hate to push survival, but maybe you're in trouble. You don't know the trouble you're in, cause no one messes around with the kingpin. the other, mix it together. That's what we call this ska. Here we go now. Together, and that's what we call this guy. On vient de s'écouter 12 ska des Kingpin, précédé de leur album, enfin pardon, d'un morceau aussi intitulé Les Kingpin. Et je vous dirais, on va les retrouver demain pour une reformation unique à ne pas rater au Petit Campus à Montréal, dans le cadre du Festival Ska de Montréal. Et on va continuer en ska, évidemment, avec cette fois-ci un groupe tout neuf, j'ai envie de dire, un petit peu, avec un album tout neuf sorti il y a peu, avec le groupe Ferguson, avec un morceau issu de leur album du même nom et intitulé Itzaz Begira. Et on continuera avec un autre groupe basque dont est issu l'un des membres de Ferguson, c'est le groupe Skunk, avec le morceau Kinky de l'album du même nom. Et les membres de Ferguson, il y en a aussi dans les groupes Opium du Peuple, dont on s'écoutera la reprise Marche à l'ombre de Renaud, issu de leur album Sex, Drugs and Variété. Allez, mais tout ça, ça commence avec Ferguson. Et le morceau, Itzaz Begira. Begiak itzita dauzka, zentzumenak esnatu dira. Ari naiz ametsak buruan egunero itxasari begira nere indara haukitzeko aizea sentitzen aizea en de s'écouter Kinky the Skunk, précédé juste avant du morceau tout simplement intitulé Itza, Bagheera, issu de l'album Ferguson des Ferguson, dont je vous ai dit qu'on allait écouter un morceau issu d'un groupe dont l'un des membres est également membre de Ferguson, et je parle du groupe Opium du Peuple, comme je vous l'ai annoncé. Ce sera le morceau Marche à l'ombre, que j'enchaînerai avec le morceau Allons chez toi, les trois fromages issus de leur dernier album sorti au printemps intitulé Mature et Découverte. Voilà pour la suite des choses dans les bonnets rouges sur C'est fou. Dans le babacool, Cranock est sorti de son bus Volkswagen. Il avait carré comme une loque devant mon rêve. J'ai dit à Bob que t'es au flic, viens voir le Mario qui se ramène. C'est la dégaine, quelle rigolade. Patchouli, pas de gaz, de guide de retard dans la poche. Avec Krishna à mort, je l'aurais mis en règle percée. Tu vas voir qu'à tous les coups, il va nous taper 100 balles. Pour se barrer à 4 pour nous, on est pâle. Avant qu'il ait pu dire un mot, j'ai chopé le mec par pas le dos. J'ai dit toi tu fous les glandes, il t'a rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande. Soit tu fuis et marche à l'ombre. Une petite bourgeoise pêcheuse maquillée comme un cadasse a débarqué dans mon gâteau un peu plus tard. J'ai dit à Bob que j'en flippe, on lutte la tronche à la bouffiasse. Fise la culasse et n'en y va. Collant les hopards, homologué chez SPA. Monoyeux Shalima, plus talent sky comme Travolta. Qu'est-ce que vient de frimer la tête? Non mais est-ce quoi au palace? J'peux pas saquer les starlets ni les blondasses. Avant qu'elle ait bu son cognac, j'ai chopé par le callback. J'ai dit toi tu fous les glandes, t'as rien à foutre dans mon. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande. Casse-toi tu fumes et marche à l'ombre. Un petit rock qui marche sur le champ qui s'écoule le trottoir. Et puis jouer les marlons bordeaux dans mon salon. Pop guy fait tilt, arrête j'ai peur, c'est un blues noir. J'veux pas d'histoire avec ce clown. Derrière c'est pour les vannes, j'vois pas ses yeux et ça m'énerve. Si ça se trouve il me regarde, faut qu'il arrête sinon j'le crève. Non mais qu'est-ce que c'est que ce mec qui vient user mon comptoir. La carte tourne chez les Grecs, se faire voir. Avant qu'il ait le son violent, j'ai chopé contre le football. J'y ai dit toi tu fous les glandes, t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de l'onde. Casse-toi du but et marche à l'onde. J'avais pas oublié d'être moche, un intellectuel en l'honnête, genre nouvel os. Comme un verre à sacré flipper, on avait plus d'une nos poches. J'ai réfléchi, et je me suis dit, c'est vrai que je suis épais, comme un sandwich SNCF. Et que demain je peux tomber sur un balèze qui casse la tête. Si ce mec-là me fait la peau, et que je crève la gueule sur le pouvoir. Si la mort fait l'apéro d'un air bizarre, avant qu'elle m'envoie voir là aussi, y'a du monde dans les bistrots. Dis que toi tu fous les glandes, t'as rien à foutre dans mon. Arrache-toi de la tête, pas de bande. Casse-toi du but et marche à l'eau. Casse-toi du but et marche à l'eau. Casse-toi du but et marche à l'eau. Je m'arrête à la pharmacie. Bonjour mademoiselle, en avez-vous taille XXL? Aujourd'hui c'est mon tour, j'ai rendez-vous avec l'amour. Je préfère tout prévoir, d'ailleurs que faites-vous ce soir? Et si vous ne me trouvez pas beau à voir, ça ne me dérange pas de le faire dans le noir. Le noir. Allons chez toi. Chez moi, je passerai par derrière. Allonge-toi sur moi comme ça. Je te montrerai comment faire. Allons chez toi, ou bien chez moi. Tu peux même inviter ta mère. Allons chez toi, ou bien chez moi. Je fais mes courses à Monoprix. Bonjour jolie caissière, je ne vous aurais pas déjà vu chez Leclerc. Aujourd'hui c'est mon tour, j'ai rendez-vous avec l'amour. Je vous invite à dîner. S'écouter le morceau Souvenir des Hors Contrôle, morceau issu de leur album L'Union fait la force. Et pourquoi je vous passe ce morceau Souvenir ? C'est parce qu'il était passé l'année dernière au Revolution Fest 2 et que le Revolution Fest 3 approche à grands pas, puisque ça aura lieu la semaine prochaine à Montréal, aux Catacombes, les 8, 9 et 10 octobre, avec notamment les groupes tels que Hard Up, All Savannah, La Société à la Mauvaise Haleine, Subsistance, Drunken Dogs, Action Sédition. J'aurais voulu Chaos Urbanos notamment, et là le prochain blog va être consacré à trois des groupes présents la semaine prochaine au Revolution Fest, avec tout d'abord un morceau qu'on va écouter de Action Séduction, avec le titre Mémoire Brisée, qui sera suivi de la pièce Divide Even Seras des Chaos Urbano, issu de leur album El Orden del Chaos, et Bloc, qui sera fini avec J'aurais voulu, et le morceau Enfant du béton, issu de l'album Au-dedans de toi. Allez, un petit bloc pour le Revolution Fest qui aura la semaine prochaine à Montréal. On ne les oublie pas, on n'oublie pas ce festival-là qui, j'espère et je pense, je suis même certain, nous offrira un très beau spectacle comme l'année dernière. Allez, Action Sédition. Jumper! que puede despertar otras mentes y el negocio podría quebrar. No se encierra ni tortura nada. Hazlo como ellos, si no eres pieza, vas a terminar. Divide y vencerás, divide y vencerás. Nos vendieron sus viejas consignas. Divide y vencerás, divide y vencerás. Nos vendieron sus viejas consignas. Dios de la verdad, tu secta pesta y no eres nada. No estás escrito en ningún lugar. No tenemos dueño, no nos puedes controlar. Divide y vencerás, divide y vencerás. Nos vendieron sus viejas consignas. Divide y vencerás, divide y vencerás. Nos vendieron sus viejas consignas. Yeah. les enfants béton n'attendront plus de solution. Rentrez pas et souhaite plein les yeux. Rentrez pas et souhaite plein les yeux. Rentrez pas et souhaite plein les yeux. Rentrez pas et souhaite plein les yeux. C'était J'aurais voulu avec le morceau Enfant du béton issu de l'album Au-dedans de toi. Et juste avant, on s'était écouté les Chaos Urbano et avec le morceau Divide Even Serras et Mémoire brisée d'Action Sédition. Tous trois groupes qui sont présents au festival Revolution Fest de Montréal, au sein desquels vous trouverez aussi d'autres groupes avec Dead Hero, Colombie, The Brass, Dissidence, Collectif Stomping Trace, Les Chiens Fous notamment, et j'en passe d'autres. Donc je vous invite à aller les 8, 9 et 10 octobre au Revolution Fest à Montréal. C'est à ne pas rater, c'est un excellent festival. Je pense que c'est peut-être l'un des festivals, c'est le festival à ne pas rater de l'année, ou du moins de l'octobre, enfin de l'automne, ça c'est certain. Et c'est ça. Allez-y, je vous y invite. Avant d'aller là-bas, on va s'écouter d'autres morceaux quand même, parce que la soirée n'est pas finie dans les bonnets rouges. On va s'écouter des morceaux issus d'un split entre les Molars et les Apaches. Split dont le nom est dans le meilleur des mondes, et au sein desquels on s'écoutera le morceau L'Enfer des Molars, et vive les crédits des Apaches. Allez, les Molars avec L'Enfer. Et la République, si la justice pouvait s'acheter. rembourser les crédits, ouais, tristesse. Enfin, c'était les Apaches avec Vive les crédits, c'était précédé des Mollards avec L'Enfer, deux morceaux issus du même split dans Le Meilleur des Mondes. Et pour terminer cette émission des Bonnets Rouges, qui est déjà à sa fin en fait, bah, je vous dirais, ne ratez pas les Kingpins demain à Montréal dans le cadre du Ska Fest. Et la semaine prochaine, n'oubliez pas, le Revolution Fest. Aujourd'hui, on se quitte avec Hoffnung, des Four Promille issus de l'album Vinyle. Allez, à la semaine prochaine et peut-être à demain si on se croise au Ska Fest. Vom Fenster bis zur Tür sind es 3x4 Meter. Hier gibt es kein Versteck zwischen Schrank und Bett. Die Sonne scheint mit 60 Watt. Du betest um Stille und hoffst auf die Einsamkeit. Doch der Streit wird lauter und bald ist es so. Schreibt man doch mit H. Hoffnung, Hass und Heroin. lauter bist oder leise, sie können dich nicht verstehen. Und offensichtlich gibt es keine Gnade. Es gibt da nichts zu sagen, jedes Wort fällt ins Gewicht. Du bleibst stumm, stellst keine Fragen. Jeder Fleck auf dem Teppich wird zu einem Freund. Und du hoffst, dass du nicht aufwachst, wenn du wieder träumst. Schreit man doch mit H. Hoffnung, Hass und Heroin. Niemals war jemand für dich da.